Chapitre 2e. Ce peintre, outre son talent pour son art, possédait une foule de petites recettes pour faire des liqueurs. Vous avez pu en juger, car il eut la bonté de me les communiquer lorsque nous eûmes fait connaissance à la suite d'une affaire pour laquelle il dut réclamer mes services et mes lumières. Il s'agissait d'un héritage que je réussis à lui faire toucher. Quand il demanda le taux de ses honoraires, car il faut le dire, Karl Ivanovitch, quoique allemand, est un homme consciencieux, je lui répondis que je ne voulais pas de son argent, mais que j'accepterais volontiers un tableau. « Eh bien, me dit-il, vous ne l'attendrez pas longtemps. J'en ai précisément apporté avec moi 3 qui sont terminés. Vous choisirez entre les 3. L'un est un brigand vénitien qui tue un enfant, l'autre une matinée italienne, le 3e le portrait du gouverneur de la province. » « Karl Ivanovitch, lui dis-je, il ne serait pas convenable qu'on vienne un brigand dans la maison d'un procureur, de l'œil du tsar. Vous me direz que ce brigand n'est pas russe et est en réalité hors de ma sollicitude. Mais supposez que ma femme soit dans une position intéressante, serait-il prudent d'exposer une pareille figure à ses yeux? Il ne serait pas non plus très convenable, à un autre point de vue, qu'un petit magistrat comme moi se permit d'avoir chez lui le portrait de son Excellence le gouverneur de la province, si élevé par son chin au-dessus de moi. Je prendrai donc la matinée italienne. La chose convenue, je n'entends plus parler du peintre pendant une semaine et même davantage, et je commençais à me croire volé, lorsqu'un matin on m'apporte une caisse de 2 mètres de longueur. Ah, voilà la matinée italienne. J'appelle ma femme, les enfants la suivent, en demandant si c'est du postilla, de la marmelade de fruits. « Taisez-vous, c'est la matinée italienne. » Et pendant que mon cocher Grégoire décloue la caisse, « Une matinée italienne, un soleil ardent, un pâturage, des vaches, un pâtre jouant de la flûte. » Et les enfants crient « Pour moi les vaches, pour moi le pâtre !» Enfin la caisse est ouverte et le cadre est sur la table. Mais qu'elle est honte que ce Karl Ivanovitch envoyait une vilenie, une obscénité pareille à un magistrat, à un homme marié, et il appelle ça une matinée italienne. Une femme en chemise se lavant les mains. Mais la chemise descend, tombe et laisse voir les épaules et la poitrine, et auprès d'elle, un lit froissé et qu'on sent encore chaud. C'est complet. Ma femme crie, frappe des mains d'indignation et crache sur l'indécente fille, et ce qui est moins juste, elle s'en prend à moi et m'accable d'injures. Et quoi, Ivan ? Me dit-elle. « Tu as attendu la vieillesse pour prendre goût à de pareilles horreurs. Je vais aller me plaindre à l'archiprêtre, au père Siméon. Tu n'en seras pas quitte pour un sermon. Attends-toi à une pénitence publique. Quant à moi, écoute bien ceci. Tant que cette coquine sera dans la maison, tu peux ne plus me considérer comme ta femme. » Elle sort en fermant violemment la porte, et les enfants, montrant la femme du doigt, disent « Tiens, c'est une nourrice. » Et le cocher Grégory la regarde et dit « C'est tout à fait la cousine Stéphanie. » Je chasse les enfants et le cocher, et je reste seul avec la matinée italienne. Je regarde, j'examine, et la vois-je ? Le diable se met entre nous, et me fait remarquer des dents, des yeux, une chevelure d'ébène, des formes potelées. Je sens le péché entrer dans mon âme et des fourmis me courir dans le dos. Je suis oppressé, il me semble qu'il m'entre une flèche de feu dans le cœur. Ah, comme c'est bien peint! Ce Karl Ivanovitch a bien du talent. Mais bientôt je me ravise, et cet impudent appelle ça une matinée italienne. Et il ose m'envoyer une pareille image. Heureusement, je me souviens que je suis sous la loi du mariage, que je ne dois pas attacher mes regards sur une beauté étrangère. Celle que Dieu t'a envoyée, Ivan Semenovitch, tu dois t'y tenir. Cependant, la peinture était excellente. Je finis par croire que j'avais persuadé à ma femme que cette fille n'était point vivante et ne pouvait induire en péché, que ce n'était pas comme Stéphanie, pour laquelle elle m'avait querellé injustement, mais du moins avec une apparence de raison. Tandis que ce tableau, c'était tout simplement, comme le disait le peintre lui-même, Karl Ivanovitch, une matinée italienne, et ma foi, je suspendis la matinée italienne au-dessus du divan. Mais je ne tardais pas à voir que ma Catherine était triste, qu'elle pleurait, qu'elle ne passait pas une fois devant la matinée italienne sans cracher, et si je m'approchais d'elle d'un air un peu tendre, elle me repoussait en disant « Va-t'en dans le salon, Ivan Semenovitch, va voir ta matinée italienne. » Le jour de Noël, les femmes venues en visite disaient qu'il fallait enlever les images, les saintes images. « Comment, Ivan Semenovitch, vous, un magistrat, un père de famille, Vous avez ainsi perdu la crainte de Dieu ? Il crachait en regardant la matinée italienne. Je pensais cependant que lorsque Son Excellence le maréchal de la noblesse, M. Boldoniev, les invite à une fête sous les plafonds couverts des peintures de l'Allemand, les nymphes et les petits cupidons tout nus dans un salon où il y a, en outre, une statue d'Apollon dans le même costume, ne les font pas cracher. Un matin, le père Simon vient, me fait d'amers reproches. Étaler une pareille horreur dans un salon, au milieu des saintes images. Cependant, j'aimais assez ce tableau. J'imaginais de le cacher dans une chambre derrière la maison, mais ce fut encore bien pire. Il le cache, c'est un aveu. L'œil du tsar s'est jeté dans le vice. L'archiprêtre revient plus sévère. Ma foi, vaincu, je remis la matinée italienne dans la caisse qu'il avait apportée et je la renvoyai au suppôt du diable, à ce maudit allemand Karl Ivanovitch, en lui écrivant « Envoyez-moi le gouverneur de la province ». À cette époque, précisément, Son Excellence le gouverneur vint faire une inspection. Il est arrivé sévère et reparti terrible. Il n'avait trouvé rien de bien. Tout le monde avait reçu son paquet. Moi-même, j'avais été gourmandé parce que les côtes des lois n'étaient pas enfermées sous clé. Il m'avait même appelé imbécile. Enfin, il partit. Peu de jours après, je reçus de nouveau la caisse de Karl Ivanovitch. Cette fois, je n'appelai ni ma femme ni mes enfants. Je l'ouvris seul avec le cocher Grégoire. « Ah, le maudit Allemand, tu as peint la plaque et tu as osé oublier le cordon. Et encore, la plaque est à moitié cachée par le revers du frac. » Et un frac encore à un gouverneur de province, au lieu de le représenter en uniforme. Cependant, il faut tout dire, je dois avouer qu'il est ressemblant. Il a une main terriblement placée dans le gilet, et il a encore l'air de m'appeler imbécile. Je l'accroche donc à la place de la matinée italienne. Le calme renaît dans ma maison. Tout le monde regarde le portrait avec admiration et respect. À l'exception d'Ivan Pavlovitch. Mais où est-il ? Qu'importe, puisqu'il ne dit rien.